Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur les Sanganiro. Nous sommes le 24 novembre 2020. C'est la grande édition de la mi-journée. Voici tout de suite les grands titres. La ministre de la Solidarité nationale des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre déclare que la vulgarisation de la loi spécifique portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre à l'endroit des différents leaders sont quelques activités qui seront organisées au cours de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et dont le lancement officiel est prévu vendredi. Ce sera à Mouranvia. 8% des filles en âge compris entre 15 et 19 ans avaient une grossesse en 2017, selon la chargée du Programme national de la santé et de la reproduction. Elle a fait ses déclarations lors de la visite vendredi dernier de la première dame du pays au lycée Sainte-Thérèse de Mouchacha à Guitéga. On parlera aussi de la représentation des femmes dans les partis politiques CNL et Sawania Frodebou. Et dans la chronique santé, on vous propose une rediffusion sur le diagnostic de la candidose buccale. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Les femmes sont suffisamment représentées dans les organes dirigeants du parti CNL de la colline jusqu'au niveau national. C'est ce qu'affirme un des responsables de ce parti, l'honorable Nachowa Kimvuna Marie Immaculée. Selon elle, 10 sur 26 représentants du parti CNL à chaque niveau sont des femmes. Elle interpelle d'autres formations politiques à intégrer la dimension genre dans les représentations de leur parti politique. On l'écoute, ses propos ont été recueillis par Omer Ndouayo. Au sein du parti CNL, la femme est suffisamment représentée. Par exemple, parmi les organes au niveau national, les femmes atteignent une représentativité de plus de 10. Au niveau provincial, parmi 26 représentants à ce niveau, 10 ce sont les femmes. Il en est de même au niveau communal, zonal et même collinaire. Les femmes Inyangamugayo de notre parti CNL sont satisfaites, mais aussi elles souhaitent aller au-delà, jusqu'à 50%, même plus, pourquoi pas, puisqu'elles sont capables. Il arrive des fois que les femmes n'acceptent pas être élues ou nommées représentantes des autres. Qu'en est aux femmes du parti CNL? Les femmes Inyangamugayo du parti CNL aiment travailler, raison pour laquelle les femmes de notre parti ne refusent pas d'être des représentantes des autres. Parce que accepter d'être représentant, c'est accepter être au service des autres. Pour ces partis qui n'ont pas encore intégré les femmes dans les organes de représentation, il faut qu'ils le fassent parce que les ignorer, c'est une perte pour le parti tout d'abord, mais aussi pour le pays. Parce que sans femmes, pas de développement effectif. Et au sein du parti Sawania Frodebou, l'intégration des femmes dans les instances dirigeantes du parti figure parmi leurs préoccupations, comme le prévoit la loi régissant ce parti politique. Pierre Claver-Nahimana, président de cette formation politique, il conseille aux femmes de s'intéresser davantage aux activités des partis politiques. On l'écoute. Au niveau du parti Sawania Frodebou, la question concernant la représentation digne, équitable des femmes dans les organes dirigeants du parti a été, je dirais, résolue. Parce que l'on se souviendra que son excellence, Dada Melchior, qui était le président du parti Sawania Frodebou, en même temps premier président élu démocratiquement en 1993, a décidé, dès la désignation de son premier gouvernement, à désigner un premier ministre femme. C'est ce qu'il a fait. Donc, c'était une orientation claire qui lui venait de donner au parti Sawania Frodebou et aussi au Burundi entier en ce qui concerne la dignité qu'il faut donner aux femmes. Aujourd'hui, le Frodebou n'est pas au gouvernement, mais au niveau de nos organes dirigeants, nous continuons à suivre cette voie-là. Je vous dirais d'abord que dans nos règlements, dans nos textes qui nous régissent, il est écrit clairement qu'au moins dans les organes dirigeants, au moins 30% doivent être des femmes. C'est ce que nous faisons, nous respectons cela. Chaque fois qu'il y a lieu de désigner des organes, même pendant les élections, nous devons nous arranger pour que 30% des places soient réservées aux femmes. Pour les partis qui peut-être n'ont pas encore intériorisé cela, il faudrait leur demander d'adhérer à ce principe, de figurer dans les textes qui les régissent ces dispositions réglementaires qui permettent à ce que les femmes, effectivement, dans les organes dirigeants soient bien représentées. Donc, il ne faut pas seulement le dire au niveau de l'oral, au niveau de la propagande. Il faut que dans les textes de base, ces dispositions soient présentes. Pierre Claver Nahimana, président du parti Sawanya Frodebo, toujours au micro d'Omer Ndouayo. Et la vulgarisation de la loi spécifique portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre à l'endroit des différents leaders sont quelques activités qui seront organisées au cours de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Dans une déclaration sortie ce mardi, la ministre de la Solidarité nationale des Affaires sociales et des droits de la personne humaine et du genre, Imelda Sawuchimike, a dit que cette journée arrive au moment où le gouvernement continue à renforcer ses interventions en faveur de la lutte contre ces violences. Le lancement officiel aura lieu le 27 novembre 2020 à Muramvya sous le thème « Orangeons le Burundi ensemble pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles ». Suivez la ministre Imelda Sawuchimike. Cette campagne est organisée en vue de se joindre aux nombreuses femmes et filles victimes de violences basées sur le genre et qui, par conséquent, ne contribuent plus convenablement au développement de leur famille. Le thème national retenu cette année est « Orangeons le Burundi ». Ensemble pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Il a été choisi en vue d'interpeller la conscience de tout un chacun à s'impliquer davantage dans la lutte contre ce phénomène qui mine toute l'humanité en vue de construire un Burundi qui rayonne. Cette journée intervient au moment où le Burundi continue à renforcer ses interventions en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes à travers la promotion de son autonomisation, prévention efficace contre ce fléau et la prise en charge des victimes en renforçant les centres de prise en charge intégrée des victimes. Au cours de cette campagne, plusieurs activités seront organisées, plus particulièrement la vulgarisation de la loi spécifique portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre à l'endroit des différents leaders, surtout communautaires. Le lancement officiel de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, édition 2020, aura lieu le 27 novembre 2020 au chef-lieu de la province Morange. C'était la ministre en charge de la solidarité nationale des questions du genre. Les enfants malnutris se remarquent encore en province de Gitega où 9 enfants souffrant de la malnutrition sont sous traitement au service de stabilisation thérapeutique de l'hôpital régional de Gitega. Le président de la République a déjà promis l'installation d'un service d'enseignement nutritionnel pour les enfants et les femmes enceintes et de traitement des enfants malnutris dans tous les centres de santé du pays. Gérard Nibigira. La responsable adjointe du service de stabilisation thérapeutique de l'hôpital régional de Gitega, Madame Anita Manirakiza, fait savoir que maintenant son service a 9 enfants malnutris qui sont sous traitement. Elle indique que ces enfants viennent de différentes communes de la province de Gitega. Une des mères dont les enfants sont sous traitement explique comment il lui a été difficile de connaître la maladie dont souffrait son enfant jusqu'à fréquenter des chambres de prière. Il a 3 ans et demi. Son corps se gonflait et il présentait des petits abcès. Il pleurait tout le temps. Quand il pleurait un long moment, son visage gonflait également. Quand je suis venu à l'hôpital, on l'a examiné et on n'a rien trouvé comme maladie. Je suis rentré à la maison très désespéré et j'ai commencé à prier. Après quelques jours, je suis revenu et voilà, on l'a alité ici. Cela étant, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a promis d'installer dans tous les centres de santé du pays un service d'enseignement nutritionnel pour les enfants et les femmes enceintes et du traitement des enfants malnutris. Malgré l'augmentation agricole et animale, un grand nombre de gens souffrent encore de la malnutrition. Cela est lié à une mauvaise habitude des Burundais, les empêchant de bien manger, disant que c'est pour les blancs et les bourgeois. Les œufs, la beurre et la viande sont acheminés au marché et eux consomment des aliments vides et de vitamines. Et voilà la cause de la malnutrition chez les enfants. Nous sommes décidés à combattre la malnutrition, surtout chez nos enfants. C'est dans cette optique que nous allons instaurer dans tous les centres de santé un département chargé de lutte contre contre la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes. Ce département se chargera également de nourrir les malnutris. Évariste Ndayishimiye a tenu ses propos le 24 octobre dernier lors des cérémonies de la Journée mondiale de l'alimentation qui ont eu lieu en commune Mutaro de la province de Gitega. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Autour de 56% pour des consultations dans différents centres de santé de Muyinga sont liées au paludisme. Lors de la réunion des intervenants en matière de santé à Muyinga, lundi, le médecin provincial a reconnu que certains centres de santé affichent des chiffres d'alerte, tout en précisant que dans l'ensemble de la province, la situation n'est pas alarmante. Il invite la population à utiliser correctement les moustiquaires imprégnés d'insecticides par endroits exploités à d'autres fins. Dieudonné Nzeyimana. Entre autres centres de santé avec une forte affluence des malades du paludisme, c'est Dongomo Butihi Ndairabiro. L'analyse statistique des cas pousse les prestataires de soins à signaler des chiffres d'alerte. Au bureau provincial de santé à Muyinga, sans donner l'effectif précis des cas, l'on affirme qu'au total, 56% des consultations sont celles du paludisme. Lors d'une réunion des intervenants dans le secteur de santé à Muyinga lundi, le docteur Eric Ngunzimana, directeur de la province interne de Muyinga, rassure que dans l'ensemble de la province, la situation n'est pas alarmante. Ce sont quelques centres de santé avec des chiffres d'alerte, précise son médecin, annonçant du coup différentes activités envisagées, surtout à Guiterani, district avec le plus de cas. Les animateurs de santé communautaire doivent veiller au bon usage des moustiquaires imprégnés d'insecticides gratuitement distribués aux ménages. Par endroits, on en voit utilisés pour couvrir les poulaillers ou les termites. À Guiterani, zone qui attire plus d'attention, l'on compte plus d'interventions, dont les pulvérisations intra-domiciliaires. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. 8% des filles âgées de 15 à 19 ans scolarisées au fondamental et au poste fondamental avaient une grossesse en 2017. C'est ce qu'a annoncé le docteur Anani Ndachaïsava, chargé du programme national de santé de la reproduction. C'était lors de la visite vendredi dernier de la première dame du Burundi au lycée Sainte-Thérèse de Mouchacha à Gitega. Angéline Ndayishimiye a appelé les jeunes filles à éviter les rapports sexuels précoces, source de grossesses non désirées et diverses conséquences néfastes sur la santé physique et sexuelle de la jeunesse. Je suis désolé, le reportage n'est pas encore prêt et ce n'est que partie remise. Rendez-vous dans nos éditions de l'après-midi de la soirée. En bref, en actualité internationale, avant la rediffusion de la chronique santé sur le diagnostic de la candidose buccale, c'est un signal fort qui a été envoyé contre l'impunité des groupes armés en République démocratique du Congo. Au terme d'un procès qui a duré 2 ans, l'ancien chef de guerre Ntabo Ntaberi, alias Sheka, a été condamné à la perpétuité pour meurtre, viol, esclavage sexuel, enrôlement d'enfants de moins de 15 ans. Et parmi les 3 co-accusés, l'un a également été condamné à la perpétuité, un autre à 15 ans de prison. Et le dernier a été acquitté selon ce verdict rendu par la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu. La défense n'a pas fait savoir si elle ferait appel ou non. Et le président américain sortant a recommandé lundi soir l'organisation du passage de témoins entre son administration et celle du président élu Joe Biden. Donald Trump n'a cependant pas reconnu explicitement la victoire de ce dernier à l'élection présidentielle du 3 novembre. Et jusqu'ici, l'équipe Biden était privée des fonds, des locaux et des informations classées secret défense nécessaires pour faire son travail en vue de son arrivée au pouvoir après l'investiture du 20 janvier prochain. Le démocrate s'inquiétait notamment du manque de coordination au sujet de la pandémie du coronavirus, alors que les États-Unis s'apprêtent à organiser la livraison de vaccins. Radio Isanganiro, chronique santé. Je l'avais annoncé dans les titres, on vous propose une rediffusion sur le diagnostic de la candidose buccale qui se fait en général de manière clinique par observation de l'intérieur de la bouche. L'enduit blanchâtre recouvrant la muqueuse buccale est très caractéristique de la maladie, comme le dit Fabrice Noiri. Ce dentiste conseille une bonne hygiène comme moyen de prévention. Ornella Mocho. Le traitement du muguet ou de la candidose buccale se fait dépendamment des symptômes de la maladie. Le dentiste Fabrice Noiri conseille les personnes adultes ayant des prothèses dentaires de les nettoyer fréquemment. Lorsque le système immunitaire est affaibli, le micro-organisme en cause, qui est le candida albicans, prend dessus et provoque la maladie. Donc certaines mesures de prévention sont pour renforcer le système immunitaire en premier lieu. Pour les personnes portant des dentures ou prothèses dentaires, doivent les nettoyer fréquemment et soigneusement pour éviter la propagation de cette maladie. Il faut prendre des probiotiques lors du traitement aux antibiotiques à large spectre. Une personne adulte est interpellée également à consulter le dentiste au moins une fois par an. Nous conseillons également de bien rincer la bouche après chaque utilisation des corticoïdes lors du traitement de l'asthme. Si le patient utilise des médicaments sous forme de spray ou pommade ou poudre à inhaler, ces médicaments, je vous ai dit, qui affaiblissent la muqueuse buccale et le candida peut provoquer la maladie. La population doit adopter une excellente hygiène bucco-dentaire. Et enfin, la population doit visiter régulièrement, au moins une fois par an, chez votre dentiste. Concernant la prévention chez les enfants, une femme enceinte doit traiter si elle en a une muqueuse vaginale pour éviter la contamination lors de l'accouchement. La prévention chez l'enfant. En cas de muqueuse vaginale chez une femme enceinte, il est important de traiter au plus vite, au moins 15 jours avant l'accouchement par voie basse. Si la mère présente aussi des symptômes de muqueuse d'essai ou mamelo, il faut consulter le médecin pour éviter la transmission de la maladie chez l'enfant. Il est important de faire le soin des mamelons, selon toujours Dr Noiri. Pour les femmes, il faut faire des soins des mamelons avant et après chaque tétée. Il faut stériliser régulièrement les différents objets qui sont en contact avec la bouche de l'enfant. Pour cela, il est possible, par exemple, de faire bouillir ces différents objets pendant au moins une quinzaine de minutes dans l'eau bouillante. Il faut remplacer la tétine du biberon par une tétine neuve une fois l'enfant est guéri. Il faut assurer une hygiène bucco-dentaire en aidant l'enfant à se brosser au moins deux fois par jour après chaque repas. Et enfin, il faut laver les mains avant de manipuler le bébé. Si cette maladie n'est pas traitée rapidement, elle peut se répandre ou se propager à d'autres organes. Dans notre prochaine chronique santé, Dr Fabrice Noiri vous parlera d'une façon détaillée le meilleur moyen de garder une bonne hygiène buccale. Merci Ornella, mucho merci Dr Noiri. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde de micro. Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi.